12.41 exercice test, impératif et pronom. Complétez selon l'exemple. Vous entendez? Je me lève. Et vous écrivez? Oui, lève-toi. 1. Je sors le chien. 2. Nous nous levons. 3. Je te suis. 4. Je suis les manifestants. 5. J'aide cette pauvre dame.